meufs sont belles comme le jour. La mêlée de partout. Un nuage de fumée d'ambiance m'emporte dans un autre monde. Bébé, ce soir, les stars guidés par le son et la danse. Ça danse, ça danse, ça danse. Décollage immédiat.